Oh, Chacun joue un peu plus Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Si tu remarques que tu ne connais pas quelqu'un, je dis mon frère, ma soeur, quel est ton nom? Si quelqu'un reste sur place, vous pouvez la saluer. Sachez que c'est Chantal Bia. Bébé Moïse, ça va? Non, d'accord. Ça va, mon frère? Oh, la go. Ça va? On te persécute toujours. On te persécute. Ça va? Ça va, mon cher? Tu es fini. Tu veux qu'on parte? On rentre déjà. Pourquoi? Hein? Il a dit qu'il salue. On va saluer tout le monde. C'est qui ici? Alors, tu l'as salué. Donc ça va? Bien, bien, bien. Vraiment bien. Regarde-moi, alors, comment tu salues, tu regardes par là. Je suis là, ok, je ne parle pas. Ça va, ma chère? Ça va bien. Comment tu as fait pour savoir ici? C'est le frère qui est ici. Il est au frère qui est ici, alors. Ça va, la fête? Comment tu brilles comme ça, là? Il y a quoi? Bon, tu vas me donner ton secret, là. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Vérifiez que vous connaissez le nom de quelqu'un parce qu'il avait posé les questions tout à l'heure là. Bonsoir, ça va? Comment tu t'appelles? Bébé Daniel, salut madame. Ça va? Ça va, mon frère? On va aller. On m'a dit que tu as du bien les gens. On va voir. Quand on va entrer, on va voir. Ça va? Il dit une chose pour ne pas me saluer. Il dit une chose pour ne pas me saluer. C'est comme un travail. Il a fait le plein, il m'a traversé. Tu as vu, non? Tu as vu? Comment elle a salué? Ne fais pas exagérer, non? Oh, ça va? Mais tes doigts? Tes doigts quoi? La voiture? Mais les femmes, qu'est-ce qu'on a passé? Est-ce que c'est la voiture encore plus tôt? Il faut maintenant quoi? Puisqu'il n'y a plus de fête, il n'y a plus de voiture, on fait comment? Voilà, ça va être le moteur bien réfléchi, d'accord? Ça va? Vous qui avez garé les motos là-bas, merci Franchine, merci. Vous qui avez garé les motos là-bas dehors, souriez. Et vous risquez de sortir si vous ne voyez pas. Donc je crois que ceux qui sont dehors là, vous suivez. Vous risquez d'être absolument pas lancé. De toute façon, même si on parle à la moto, est-ce qu'on a coupé vos pieds? Hein, frère? Comment vous dites seulement? Si on parle à la moto, on a coupé vos pieds. Bon, mais de toute façon. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vérifiez que les téléphones sont fermés pour qu'on travaille. Si vous voulez enregistrer mes données, je dépose ici. Si vous voulez enregistrer, mettez les téléphones dans les conditions d'enregistrement pour que ça ne sonne pas étant ici. Donc, si vous voulez enregistrer, vous mettez sur le mode silence pour que ça ne sonne pas étant ici. Ok. J'espère que vous êtes prévenu. Si vous ne savez pas faire, fermez votre téléphone, restez tranquille de toute façon. Fermez cela. Fermez. Éteignez. On peut commencer, frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Lève-toi ici. Tu n'es pas bien habillé, donc tu ne dois pas t'asseoir comme ça. Assieds-toi quelque part où tu pourras être bien assis, d'accord? Aidez-la. Courage, d'accord? Y a-t-il des questions? Je vois que le climat est bon, la température est bien pour qu'on puisse bien parler, n'est-ce pas? Des sujets de la Bible. Je n'ai pas de questions ici. Donc, si vous avez des questions, posez. Question. Je voulais savoir si je peux parler. C'est une parole qui me dit. D'abord la question. Bonsoir. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais vous poser des questions et je vais vous pointer. Oui, frère, pose des questions. Bon, c'est une question un peu banale. Je veux seulement savoir. Non, je veux pas de questions banales. Je veux des questions. Si tu sais que c'est banal, ne pose pas. Je veux des questions qui vont nous instruire. Bon, ça va, je ne sais pas, ça va, mais c'est que dans la dimension du temps, peut-être que maintenant, je ne sais pas si c'est l'idée. Pourquoi tu n'en dis que c'est banal alors? Bon, parce que pour moi, ça m'a un peu fait bizarre. Tu veux que ça nous fasse aussi bizarre alors? Non, je ne sais pas. Pose-moi la question. Bon, je voulais savoir, est-ce que le dialecte a un rapport à voir avec la parole? Quel dialecte? Notre langue maternelle. C'est un rapport avec la parole comment? Je ne sais pas, parce que. Quand tu ne sais pas, tu veux qu'il fasse comment? Tu veux dire quoi par est-ce que notre dialecte a un rapport avec la parole de Dieu? Parce que là-bas, il disait que le jour de l'enlèvement, il y aura, le Seigneur va appeler les gens par le, va appeler les gens dans le patois. Donc pour leur jour, là, pour ce jour. Vous voyez les choses que vous allez ramasser quelque part, vous venez me dire. Donc ça veut dire que le jour là, tu ne comprends pas ta langue. C'est que, savoir, c'est que tu vas manquer à l'appel. Bon, ok, maintenant, là, tu ne leur as pas posé la question pour dire c'est basé où, dans quelle partie de la Bible? Bon, tu peux aller poser la question, tu nous rapportes la réponse, frère. Si tu peux là-bas, tu laisses des choses de là-bas, là-bas. D'accord? Des questions? Oui. Oui, mon cher. Acte chapitre 13. La manière dit là-bas que quand le maître est du Seigneur, elle va finir par tomber. Oui. Oui, il a cité plusieurs personnes qui ont commencé les œuvres. Pédas, ainsi par de exemple, suite. Pédas, oui. J'aimerais savoir si lors de ces œuvres-là, le Seigneur se manifestait. Quelle œuvre? Du moins, quand ils organisaient des réunions d'église. Il ne s'agit pas de l'église. C'était un récassin parce que les juifs des groupes s'étaient levés en Judée pour pouvoir lutter contre les soldats romains. Comme par exemple, vous voyez la résistance dans des pays comme l'Irak, en Libye, où les gens se lèvent pour se liguer contre les occupants. On veut que les Américains partent, on veut que les occupants. Donc un groupe se lève. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils étaient 400. Ils ont dit qu'ils étaient plus de 400. On s'est allé pour se former les groupes. Il y avait beaucoup de groupes là-bas. D'autres, on appelait les partis, les zélotes. Alors ils veulent comme ça aller confronter les Romains pour que les Romains quittent leur territoire. Il dit que cet entreprise n'a pas réussi. Mais les Romains étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Oui. Ce n'était pas des mouvements religieux. Ce n'était pas des mouvements religieux, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, commentons sur le conseil de Gamaliel. Qui a inspiré le conseil de Gamaliel? Puisqu'on a dit que tout le monde s'est rangé de son avis. Prenons la parole de Gamaliel dans ses Actes chapitre 5. Il dit que si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire, ne luttez pas, ne prenez pas la peine d'avoir lutté contre Dieu. Il n'a pas dit que toutes les entreprises. Il n'a pas dit toutes les entreprises. Les exemples qu'il a pris seulement, c'était le Saint-Esprit qui le faisait pour pouvoir convaincre, pour qu'on laisse les apôtres. Amen. Mais je sens qu'il dit, le fait qu'il ait dit l'entreprise, il n'avait parlé de ces cas spécifiques que les gens jugeaient. Il ne disait pas que si toutes les entreprises, si on commande n'importe quoi, ce n'est pas de Dieu, ça va perdurer. Parce que les francs-maçons sont là depuis. Les catholiques sont là depuis. Les catholiques vont rester là jusqu'à l'enlèvement va avoir lieu. Ils seront toujours là. Donc n'essayez pas d'appliquer n'importe quelle partie de la Bible et essayez d'appliquer en disant que non. Si les gens, si on n'était pas de Dieu, pourquoi Dieu nous fait prospérer? Le fait que vous durez sur la terre ne veut pas dire que vous êtes des dieux. Parce que la Bible déclare que les méchants prospèrent. C'est pas ça? Mm-hmm. Des questions? Vous me voyez la personne qui pose la question? Hein? Vous voyez la personne qui pose la question? C'est qui? Il parle où? Frère, viens ici, on te voit. Je crois qu'il y a une chaise qui est libre ici, viens. Voilà, viens t'asseoir là-bas. Tu as peur? Tu as peur de femme, mon frère? C'est pas toi qui as dit dans ton cœur que tu voulais te marier. C'est pas ce que tu as dit dans ton cœur que tu voulais te marier, mais tu ne sais pas quelle est la sœur. Viens, frère. C'est toi ici. Le premier jour où tu es venu, tu étais assis où? Que Dieu te bénisse. Allons-y, pose la question. Je voulais poser la question, c'est justement par rapport au mariage. Et... vous avez comment c'est des effets, n'est-ce pas, frère? Vous avez vu ce que c'est des effets, non? Pose la question, frère. Bon, en fait, la question, c'est la dernière fois tu as rentré ici sur le mariage. Oui. C'était par rapport à la date des vierges. Oui. Bon, le dimanche qui a suivi, on avait une réunion chez le frère. C'est chez le frère. C'est un frère, oui. Oui. Bon, là-bas, il s'est posé un problème, c'est que... C'était la réunion de quoi vous faisiez là-bas? Bon, c'est la réunion des hommes. Mm-hmm. Donc, vous voulez commenter. Après, vous avez glissé dessus, pour ceux qui ne sont pas mariés. Bon. Il y a donc un frère qui m'a posé la question de savoir que si j'ai, par exemple, une soeur que je veux épouser, et qu'elle n'est pas vierge. Oui. Bon, moi, je lui ai dit que je vais prendre ma femme, je vais avoir elle, je ne suis pas obligé de payer la dot parce qu'elle n'est pas vierge. Ça veut dire que tu n'as pas suivi la suite de l'enseignement, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après la première partie de l'enseignement, tu n'étais pas là sur la deuxième partie. C'est pas ça, frère? Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Prenez la peine de bien écouter ce qu'on a dit dans les enseignements. D'accord? Dans la deuxième partie de l'enseignement, on a développé cela. Dans la troisième partie, on a été un peu plus clair qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui demande à quelqu'un de payer la dot. Ça ne se trouve nulle part. C'est vrai, frère. Là, tu es content maintenant. Mais maintenant, tu auras des problèmes avec les beaux-parents. Moi, je suis déjà marié. Non, c'est ce qu'on peut dire. Si vous prenez n'importe quelle news, ou bien vous voyez ma photo sur internet avec moi, vous savez, je suis en veste là-bas, les verts. Si on dit n'importe quoi de moi, je m'en fous. J'aime grâce et aime-même. Et c'est réglé dans le ciel. Donc maintenant, si vous êtes marié, maintenant tu auras des problèmes. Maintenant, si ton beau-parent dit, père la dot, tu vas faire comment? Non, c'est pour que tu réfléchisses, ne dis pas que tu réponds. Pour que tu réfléchisses. Autre question? Posez toutes vos questions. Si vous voulez, je ne sais pas de quoi on va voir. Si vous voulez qu'on parle du mariage, ou bien si le Seigneur veut qu'on parle d'autres sujets. Donc je crois que nous avons les frères qui sont en dehors dans la salle. Il y a le papa Sau. Papa Sau, est-ce que tu peux nous lever? Tu peux te lever, tu nous donnes le programme du deuil. Vous étiez ici la semaine dernière quand il parlait à sa femme ici. C'est ça, vous étiez là, n'est-ce pas? C'est quoi la semaine? Mercredi. Qui a un deuil devant, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Le mercredi, justement, le Seigneur nous disait, nous annonçait déjà que nous devions avoir un deuil. Et ce matin, autour de 4h30, mon téléphone a... Toi qui tu suivais les motos, d'accord. Il y a ta poste derrière, non? Ok, tu as intérêt. Mon beau-frère était en train de m'annoncer le deuil du père de mon épouse. Amen. Et bon, il y a eu deuil. Donc le programme c'est le suivant. Attends, pourquoi tu te moques de lui? Il dit bon, il y a eu deuil. Tu dis pourquoi maintenant? Non, le programme. Ou bien tu peux lui dire seulement que même nous avons eu pour nous trois même. Et prépare-toi encore, ça arrive encore. Comment encore? Il dit, je te dis tout simplement ce qui est devant. Il dit prépare-toi encore, ça arrive. Pas une, pas deux, ça arrive. Oui, oui, allons-y. Alors, vendredi, la levée du corps aura lieu vendredi. Vendredi qui est devant nous là. On va dire le 3 mars. Le 3 mars, oui. À Bagaté. Oui. Et la levée aura lieu à l'hôpital de Bagaté. Mm. Et la veillée aura lieu à Maham. À Maham. À Maham. Oui, c'est un village qui se trouve entre Baganté. Bon, de toute façon, s'ils vont en Baganté, ils vont savoir là où Maham se trouve. Voilà. Frère, oui. Donc, l'enterrement aura lieu samedi. Mm. Et ce sera terminé. Amen. Donc, je crois que pour ceux qui vont vouloir se déplacer pour les modalités, veuillez contacter. Peut-être vous-même pourrez choisir entre vous les gens qui vont faire. C'est bien comme vous êtes côte à côte, les gens qui ont le deuil. Pourquoi tu es à côté d'eux? Toi, je t'avais parlé plutôt des successions, des problèmes d'héritage, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, laissons le temps qu'on pose. On en a au niveau des deux maintenant. Donc, Frère Achille aussi a perdu son papa. C'est mon papa. Le programme aussi, c'est quoi, Frère Achille? Le 10 mars. Le 10 mars. Vendredi, le 10 mars, le jeu du corps en consomme. Oui. À l'hôpital militaire. Militaire en consomme. Ça veut dire que quand vous sortez des Banganté, vous rentrez respectivement chez vous, l'autre vendredi encore vous voyagez. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Et que Dieu vous fortifie. Amen. Ah. Souvenez-vous que nous sommes sous son regard. Sous son regard, ça veut dire que tout ce que vous avez comme dossier entre vous-même dans vos vies, le Seigneur les connaît tous, d'accord? Donc beaucoup vous serez éprouvés. C'est déjà les choses comme ça, on ne peut pas dire. C'est parce que pour elle, elle était proche et elle était, c'est pour ça qu'elle dit comme ça. Va-t'en, il y a un ancien qui est Dieu. On peut lui donner les messages forts. On regarde, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc préparez-vous. C'est mieux qu'ils disent comme ça dans ces paquets-là. Préparez-vous. Vous avez regardé. Préparez-vous. Chacun va être éprouvé d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des gens qui ne savent pas discerner la voix de Dieu. Quand Dieu dit, voici telle chose, voici la direction. La direction à prendre. Y a partie des questions. C'est que pour le deuil du frère Achille, vous voulez dire quelque chose par rapport, mais je ne sais pas si c'est préférable qu'il dise. Posez des questions. Parce que notre père est allé, il est allé dans les bonnes mains. C'est la plus bonne des choses qu'un être humain puisse avoir sur la terre. Quittant la terre, sachant que tu es dans le bras du Très-Haut. C'est la plus merveilleuse des choses que de savoir cela. Il ne s'agit pas de dire, si c'est pour dire quoi, pour dire comme ça, peut-être pour consoler les gens sur la terre. Non. Il ne s'agit pas de dire que j'ai réveillé mon père dit que ne pleure plus, je suis dans le bain, il était dans une lumière. Tu peux voir comme ça que c'est Satan qui parle. Vous devez savoir où vous allez quand vous mourrez. D'accord, frère? Pourquoi tu veux entendre les choses? Non, c'est une des choses qu'il connaît parce que je lui en ai fait part. Vous savez, quand vous avez quelqu'un aux côtés de vous, c'est plus de plusieurs mois que je suis en train de lui dire telle chose, frère, telle chose arrive, telle chose, frère. On en a parlé plusieurs fois. La dernière fois, je dis, frère Achille, il était en contemplation, je l'appelle, il dit, dis à papa d'appeler une réunion familiale et prie pour les enfants. Ça, c'était à l'hôpital, c'est ça? Il t'a dit que, dis-lui, appelle une réunion familiale, prie pour les enfants. En fait, je peux tout résumer un peu de mon père. Oui. Il est vrai, mon papa est mort, mais je ne me lamente pas parce que je sais qu'il est entre les mains du Seigneur. Donc là, je sais. S'il y a des craintes, c'est pour moi. Qu'est-ce que je parviendrai? Voilà, c'est la vérité. Alors, il est temps avant même que je ne quitte Yaoundé pour me rendre. Il y avait des signes. Il y avait des signes qui disaient que quelque chose d'anormal va se produire. Donc quand j'y allais, je savais seulement. Quand je suis arrivé, j'ai observé. Bon, avec les yeux, il n'y avait rien de mauvais parce que vraiment, il était malade. Et j'ai rendu ce témoignage ici parce qu'il a retrouvé la santé. Et bien, bien. Tout ce qui restait, c'était la blessure qu'il avait et qu'il fallait que ça se cicatrise et que je rentre. C'est tout. Mais jusqu'à ce que mercredi, ça c'est dimanche qu'il a commencé une crise du tout. Il a commencé à tousser un peu. Bon, pour nous c'était la blague, c'était passager. C'est mercredi d'un matin qu'il a commencé cette crise de respiration avec force. Ah, ah, ah, ah, ah, mais ça c'est quoi? Et je ne craignais pas parce que en fait, j'avais confiance au Seigneur, je faisais confiance au Seigneur. Donc durant toute la journée, c'était les 11 heures. Après, j'ai cru que peut-être qu'il avait l'anémie, il n'y avait pas suffisamment de sang. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour le sang, je lui ai donné. Après, il s'est couché, il s'est endormi tranquillement. C'est les visiteurs qui se réveillent. Et puis, on était en train de poser. J'étais en train de lui poser des questions, mais il ne répondait pas, il faisait juste le mouvement. Jusqu'à ce qu'il a encore repris à respirer. Et quand il respirait, j'étais en train de... Comment était l'atmosphère de la maison? Bon. Est-ce que tu savais que tu écris quelque chose sur le point de se passer? Je savais, en fait. Mais tu essaies de refuser sur le plan physique. Oui, parce que normalement, quand je le regardais, en fait, j'avais un désir que mon père ait au moins 100 ans. Voilà. C'est ce que j'avais dans le cœur. Donc, je suppliais le Seigneur qui lui accorde au moins 100 ans. Mais maintenant, je savais que je n'aime pas les décisions. Donc, tout montrait qu'à tout moment, il va partir. Il va quitter. Et maintenant, ce qui me dérangeait, c'était comment la chose allait se produire. Quand la voix est sortie, Dieu lui d'appeler la réunion. Est-ce qu'il avait refusé? Ce jour-là même, on était, avant que tu n'appelles même, c'est de ça qu'on parlait. Parce que je l'ai interrogé en disant, mais papa, voici que tu es couché là, tu es bien important, mais avec les hommes âgés, à tout moment, on parlait. De ça, j'ai dit, mais normalement, c'est dans cette position-ci, il fallait que tu essayes de regarder autour, tout ce qui est comme banalité, il faut arranger. Après quelques minutes que tu as fini pour dire comment va papa, je t'ai expliqué, tu as dit, bon, voici, dis-le d'appeler la famille. Et quand j'ai dit, il a obéi, il a seulement dit que lui, appelle. Et quand j'ai appelé les aînés, ils ont refusé. Et les gens dans la famille ont dit que non, il faut qu'ils se rétablissent. Oui, et la chose merveilleuse, c'est qu'il a dit que le 15 janvier, oui, il devait être là. Oui. De toutes les façons. Ils ne sont pas venus le 15 février, vraiment. Donc maintenant, une grande malédiction se trouve dans la famille. Oui, je le sais. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Il suffit seulement que les gens viennent à la réunion. Il dit, mes fils, pour tous les mal que vous m'avez fait, je vous pardonne. Il met la main sur eux. Et quand ils rentrent, leur voix s'ouvre. ça ne te cache pas, c'est visible. Quand ça va aller dégringoler. Après, quand on va mettre au sol, il y aura les gens qui vont devenir fous. D'autres qui vont avoir des accidents bizarres. D'autres qui vont avoir les choses. Mais j'ai dit, je ne vais pas avoir quelqu'un chez moi. De toutes les façons. Comment ça chez toi? Chose qui est vraie, je ne le dis même pas. Parce que même le jour, celle qui était la tête pour dire que papa guérit avant, il sort avant de faire la réunion. C'est elle la première à être attaquée. Le même jour où on parlait de femme, elle a eu un accident. Tout le monde est mort sauf elle. Je lui ai dit que grande soeur, ça c'est un danger. Elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'écoute pas. Celle à qui on a remis, ce sont concertés, là on a remis l'argent pour qu'elle vienne donner, pour qu'on essaye d'avancer. Elle est venue, elle ne voulait pas remettre l'argent, elle voulait monter seulement. Blablabla. Et puis, comme le père a fermé, elle était la première, elle est venue forte. Donc, avant qu'on était là, c'est à cause même d'elle qu'on a prolongé ces jours des obsèques parce qu'on devrait en guérir. Ça, ce n'est pas seulement pour la première génération. Ni pour la deuxième, mais jusqu'à la quatrième. Que ça va circuler comme ça. Donc quelqu'un sort là-bas, il hérite. Il sort là-bas, il hérite. Et jusqu'à là, ça se suit. Ça se suit. Oh, j'ai fait la vidéo quand j'étais à l'hôpital avec papa. Il a dit que j'ai des choses sur mon cœur qui ne me plaisent pas. Vis-à-vis de mes enfants. Et je veux qu'ils viennent, on met tout au propre. Je n'ai que deux paroles à leur dire. Je les ai bien expliqués, mais ils m'ont dit que ce n'est pas le père qui décide. Même voilà sa mort, ils m'ont dit qu'on doit l'ensevelir en consamba et ils nous disent qu'il doit aller au village. Donc souvenez-vous de ceci, si vous voulez aller à l'enterrement, ne mettez pas le pied là où il y aura l'enterrement. Non. Mettez le pied là où il y aura le vieux de corps, n'allez pas là où il y aura l'enterrement. Tout pour nous s'arrête en consamba. Voilà. Et la personne qui voudrait avancer avant. Si vous voulez qu'on parle, on parle de la mort un peu ce soir. Hein, frère, on ne parle pas de la mort. Non, pas de la mort. Qui voudrait qu'on parle de la mort? Deux personnes seulement ont levé la main dans toute la zone. Vous êtes près de 50 personnes. On conduit sur le mariage. On parle quoi de la mort? On fait comment faire? Quoi? Mais normalement, ne riez pas, normalement, devrait c'est des choses à parler. Vous avez peur, et frère? Ceux qui sont, ils ont des parents âgés, devraient vraiment se réveiller. Et ne pas faire qu'ils ferment les yeux sans avoir mis les choses en ordre. Parce que vous ne savez pas seulement. J'étais là, à sa mort, je ne crains, je ne pense pas. J'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire. Je l'amène aux urgences, je fais comment? Pendant que je suis allé me prosterner pour prier avec les vieux petits garçons, subitement mon téléphone a sonné, c'est lui qui a appelé. Il dit, il recommande son âme au... Il a dit que, mais, tu sais quoi, je suis que me voici devant la catastrophe, la respiration. Il a entendu au téléphone quand il dit, est-ce qu'il fait... Il dit, mais il a recommandé son âme au Seigneur. C'est terminé. C'était la volonté de Dieu. Il voulait rajouter avec lui, c'est mieux que moi je fais. Il a dit, il recommande son âme. On est allé, il a recommandé son âme au Seigneur. J'ai enlevé le propre qui était sur moi parce que je lui avais fait la promesse plusieurs années que je devais venir là-bas. Un jour, on était allé travailler à la maison avec mon épouse. On n'a rien pas de préparé. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Saint-Esprit dit, tu fais mieux d'aller parce que l'heure arrive. On a pris l'engagement. On allait en consomme. Parce que je suis venu me voir. Mais je lui ai parlé, mais il a compris ce qu'il t'en a dit. Il t'en a dit seulement que fais ton... Arrange ton bagage. Il faut partir. C'est le message le plus... Parlons de la mort. Parlons de la... Notez. Prenez le stylo, je vais donner des versions, on va lire plus maintenant. On va parler de la mort. Pas n'importe quel style de mort, la vraie mort, quand tu meurs bien. Mais ça risque d'être à beaucoup de volets. Donc, si vous voulez, après, si on parle de mort un peu, dans cette première partie, et puis dans la deuxième partie, on pourra continuer cela. Mais après, on parle de mariage, si vous voulez, c'est vous qui conduisez. Notez. Vous êtes prêts à noter? Notez Juges chapitre 2. Notez, je vais vous donner, on va commencer quelque part. Vous avez noté Juges chapitre 2. Notez Ecclésiaste, quand c'est plein, vous ferez mieux que je m'en débarrasse rapidement jusqu'à ce que quand mon cœur est léger, là, maintenant, il peut prendre un verset pour qu'on commence là-bas. Juste chapitre 2, je peux vous donner le verset directement. Notez Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Notez Nombre chapitre 20. Notez le livre des Genèse. On va se balader dans Genèse maintenant. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Notez 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Nous allons parler de la mort. Vous y êtes? 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 5. Notez 1 Corinthiens chapitre 15. Quand je vous donne le chapitre, je viendrai vous donner le verset contenant. Il dit Juges chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 9. C'est ça, non? 2 Corinthiens 4, 5. 1 Corinthiens 15. Genèse. Nombre chapitre 20. On va se baser dans le nombre. Notez Apocalypse chapitre 21. Non, prenez le chapitre 20. À partir du verset 10. C'est quoi la mort? Notez Matthieu chapitre 9. Jean chapitre 11. Je crois que ici, quand je vais vous donner le verset, ça sera beaucoup là. Mais quand je vais parler, je sais que vous lisez la Bible. Je pourrais dire quelque chose, vous savez exactement où ça se trouve. Savez-vous que la mort, c'est un esprit, frère? Vous savez que la mort, c'est un esprit. Qui ne sait pas que la mort, c'est un esprit? Qui ne sait pas que la mort, c'est un esprit? Qui ne sait pas que la mort, c'est un esprit? Il lève la main. Il dit, tu ne sais pas. Il dit que je sais. Mais vous êtes terrible. Qui ne sait pas? Vous savez tous que la mort, c'est un esprit, n'est-ce pas? Mais si vous savez donc ça, ça veut dire qu'on va faire un pas en avant. Pourquoi cette chose-là qui est un esprit vient sur les hommes et sur les êtres? Pourquoi? Oui, frère? Je voulais poser si c'est un esprit, c'est quel type d'esprit? Réponds d'abord à ma question. Quand il t'avait demandé de poser des questions ici aujourd'hui, on n'a pas posé de questions. Il dit que si c'est un esprit, pourquoi il vient sur les hommes, sur les êtres, pour les prendre? Pourquoi? Oui, frère? Je pense que c'est à cause du péché. À cause du? Péché. Du péché. Quand il dit à cause du péché, ça dit quoi? Ça veut dire qu'on dit dans la parole qu'à cause d'un homme, le péché, la mort est entrée dans le monde. Donc à cause de, la transgression d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Même pour ceux qui n'ont pas commis une transgression qui était comme les leurs, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que cet esprit-là et le péché sont intimement liés. C'est ça, frère? Pourquoi il est venu injecter son aiguille sur Jésus, notre Seigneur? Il est venu injecter son aiguille sur Jésus parce que Jésus est venu pour vaincre la mort. Pourquoi il a eu son aiguille? Pourquoi il a injecté son aiguille sur le Seigneur? Bon, mais ça veut dire que cet esprit-là a eu une domination momentanée sur Jésus. Il a dit que je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il a donné à la mort le pouvoir de... Comment tu as peur, n'est-ce pas, frère? Tu as peur de dire que la mort a eu un moment donné de mener Jésus. Le frère lui-même sent que Jésus, on peut le dominer. Il voit que non, s'il dit quelque chose, ça risque d'être blasphème. Il dit que Jésus a donné le pouvoir un peu. La mort l'a dominé ou l'a pas dominé? Hein, frère Donatien? C'est laissé faire. Donc, parce que c'est momentanément. Oui. Bon, pourquoi le Seigneur a laissé. Je viens de mettre les jalons avant qu'on entre dans les choses. Pourquoi le Seigneur a laissé cette chose-là injecter son aiguille sur lui? Parce qu'il est devenu. Non, il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu. Faites attention. Vous ne dites pas bien, vous allez blasphémer. Il n'est pas devenu pécheur, La Bible déclare qu'il a été tenté, lui-même, il a été subi toutes sortes de tentations sans péché. Mais il est devenu péché pour nous. Donc, littéralement, il était le péché. C'est ça, non, frère? Étant devenu péché pour que nous soyons quoi? Justice de Dieu. C'est ça le problème de la substitution à la croix. La culpabilité de celui-ci. Vous savez, quand sous la loi, quand on amenait l'agneau, quelque part, l'agneau n'avait rien fait comme péché que nous avions fait. Je parle sous la loi. On amenait, le souverain sacrificateur mettait la main là-dessus, sur la tête, et on égorgeait. L'agneau qui était innocent, son innocence était transférée. La personne qui était coupable, l'agneau prenait sa place et mourait à sa place. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la personne parle là-bas. Lorsque l'agneau a expié, l'innocence, la vie innocente de l'agneau est imputée à celui qui avait commis la faute. Ce qui fait que quand il se tourne, il marche là, la faute avec laquelle il est venu ne lui est plus imputée. Parce que quelqu'un est mort à sa place. Il dit, c'est ce qu'il dit dans la loi. Vous suivez, frère? Amen. Ok, maintenant. Lorsque le péché, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire, si tu pêches, on va te rétribuer avec quoi? La mort. Écoutez très attentivement. Christ est-il mort? Oui. Frère? Oui. Pourquoi? Pour le péché. Bon. Maintenant, ça veut dire qu'il a payé le prix de notre péché. Ça, par conséquent, nous ne devons plus payer pour la même chose. C'est ça, frère? Amen. La question c'est, les chrétiens meurent-ils? Ils dorment. Ils dorment, pourquoi tu pleures alors? Quand quelqu'un dort, tu pleures, frère. Je recommence encore. Où suivez ma question, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas où je suis en allé, je vais aller doucement. Je recommence. Le Seigneur allait à la croix pour faire quoi? Pour essayer le péché. C'est-à-dire que quand il meurt, ça suppose quoi? Le problème du péché est oui. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu, il est mort. Donc il a donné le salaire de Dieu. Donc maintenant, il n'y a plus de droit. Donc la mort n'a plus de. Je pose la question, les chrétiens meurent-ils? Les chrétiens sont séparés. J'ai dit oui, parce que le chrétien meurt du corps. Non, les mondains meurent. Oui. Comment? Les morts sont différents de celui des chrétiens. Les mondains meurent. Oui. Ou bien, laissons tranquille. Les lions meurent. Oui. La peau que vous tuez en versant d'extra meurt. Oui. Pourquoi? Quand tu manges le poulet, la conseille de te faire la terre, frère. Oui, toi, tu disais quoi, frère? Parce que la chair a été soumise à la vanité. La chair a été soumise à la vanité. Bon, le problème de la vanité a-t-elle été réglé à la croix? Oui. Pourquoi la vanité continue toujours à régner? Parce qu'il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort. On dit qu'il n'entre pas dans la seconde mort. Donc, comme ça, il y a plusieurs types de morts. Bon, avant que le Yin vienne régler le problème du péché, les gens mouraient, qu'est-ce type de mort? C'était la chair qui mourait. Donc, tous étaient égaux là. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, s'il y a une fuite d'eau quelque part, vous fermez le robinet, la source, ça ne doit plus couler. Vous dites que voici l'injonction, voici la loi de Dieu. Si on pêche, on doit. Parce que quelqu'un doit payer pour ce qu'il a fait comme péché. Christ a payé pour les péchés de tout ce qui lui appartient, oui ou non? La question c'est, pourquoi on continue à mourir? Je vais juste poser la question pour vous préparer, pour qu'on entre dans la Bible. Oui, frère. Parce que le but de la manifestation de la mort de Christ est encore à venir. Oui. Et c'est pour cela que nous y croyons par la foi. Oui. Si notre salut a été manifesté à la croix par sa mort, oui. C'est par espérance que nous y croyons. Oui. Et elle est encore à venir. Mmh. Donc, si nous continuons à mourir. Oui. Donc on continue quand même à mourir. Nous continuons à mourir. Qui vient sur nous pour nous prendre comme ça? Satan. A-t-il le droit? Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est-il mon frère? Oui. Le salaire a été payé. Oui. Pourquoi l'aiguillon de la mort a encore son pouvoir? Et frère Hervé? Moi, je crois que nous devons retourner à ce qui avait été planté au départ. C'est-à-dire? À notre nature que nous avions avant la mort. Oui. C'est-à-dire que. Par contre, il faut qu'on meure. Oui. Hein? La mort est juste cette chose-là qui est incontournable par laquelle Dieu veut nous ramener à l'état initial. Dans ce cas, comment? Bonne question. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi un homme n'est pas mort? À cause de la grâce. Tu es sous la grâce, frère. Oui. Tu n'as plus mourir. Ça dépend. Ça dépend comment encore maintenant. Puisque tu as dit que c'est à cause de la grâce. Pourquoi Enoch, lui, il n'est pas mort alors que Christ Jésus n'était même pas venu à la croix? On dit qu'il fut enlevé, non? Parce qu'il marchait avec Dieu, non? Oui, frère. Nous sommes sur la mort. Je suis encore à l'introduction. Oui, mais je crois mort, c'est autrement. Je suis dit ça autrement. Mmh. Mais je vois qu'il y a mourir et périr. Mmh. Nous sommes sur la mort, l'être oui, qu'on appelle mort. La mort, c'est la voie par laquelle l'homme qui est entré dans le corps doit être retiré. Donc, ça veut dire tout se passe par là. Oui. Dans ce cas, comment un aura fait pour sortir de ton corps? Mais, je dirais que Enoch, sa vie était une vie. Était une vie. Bon, tu veux dire Enoch, c'est un style des anges, frère? Non, Enoch, sa vie était une vie indicative. Ça indiquait non, quelque non, chose. Oui, ça, oui, oui, le seul le fait que ça indique quelque chose. Il n'est pas mort, non? Oui. Était-il un homme? Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, que nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est pour le futur. J'arrive là, mais par rapport à ce verset-là, je recommence encore. Ou bien laissons Enoch, parce qu'Enoch nous dérange. Élie, le prophète, est-il mort? Non. Comment il est parti? Il était enlevé. Avec son corps? Oui. La chair et le sang ne peuvent? Il est allé où, frère? Oui, vous avez dit? Oui, frère. Je crois que la mort est cet esprit-là qui agit dans les limites que Dieu lui a signées. Donc, ça veut dire que si Dieu dit qu'il n'a limite pas quelque part. Oui. Le bananier meurt, frère. Le bananier. Oui, le bananier. C'est un être. Les arbres meurent. Oui. Pourquoi? Vous savez pour prêcher l'évangile, non? Oui. Vous allez prêcher. On parle où là? C'est pas où? J'ai touché mes frères ce soir. Genèse chapitre 3, oui. Genèse chapitre 2. Oui. L'homme était le chef qui gouvernait sur la terre. Ça, c'est clair. Voilà, maintenant, comme lui, il fut pécheur. Oui. La loi du Seigneur dit quiconque, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. C'est ici qu'il a introduit la mort. Oui. Et comme l'homme a fait introduire la mort dans le monde, tout le monde entier est déjà voué à la mort. La Bible nous enseigne, comme il a dit tout à l'heure dans Romains 4, que comme, de même comme tous meurent par Adam, tous revivent par Christ. Quand il est ressuscité, maintenant, pourquoi le bananier continue toujours à mourir? Puisque nous avons reçu l'enseignement qui dit qu'il y a la manifestation, quoi, il y a la manifestation des œuvres du Seigneur, mais il y a l'accomplissement. Oui. Tout n'est pas encore allé à l'accomplissement. Oui. Donc, ça doit mourir jusqu'à ce que l'accomplissement parfait de l'œuvre de la croix soit manifeste. Entre-temps donc, le moment où Christ est allé à la croix, mourir, ressusciter et aller maintenant, tous ceux qui vivent là, ils meurent, qui a le droit sur eux? C'est là où j'ai parlé de périr et mourir. Oui. Parce que les donc, depuis que Christ est allé à la croix, on ne parle plus de mort, on parle de périr ou... Non, l'Écriture nous montre que ceux qui sont morts en Christ dorment. Oui. Donc, ils ne sont pas morts comme le monde est. Bon, maintenant, ça veut dire que d'abord, tiens, nous allons aller dans l'au-delà. Est-ce qu'ils se couchent comme tout le monde? Tout se couche comme tout le monde. Qu'est-ce qui les fait se coucher? C'est ce qu'ils veulent savoir. C'est la mort. Le souffle a été ôté. Qui le fait? Je dirais que c'est le Seigneur. Oui. Parce que s'il ne permet pas. Non, laissons le fait qu'il permet, il permet tout, même la mouche qui sent dans tes yeux. Même le fait que tu puisses, d'autres qui puissent lire, il permet. Pas vrai, frère? Je recommence encore. Qui vient enlever la chair? Qui? Pourquoi? Il a le droit. Quel droit? Puisque la chair lui appartient. C'est lui qui l'a créé, frère. Tout ce qui vient du sol retournera au sol. Donc, le sol, c'est pour lui. Il y a un téléphone qui vient de sonner. Le sol lui appartient à la mort, frère. Je vais dire oui, parce que Adam l'a livré entre ses mains. Quand le sang de Christ a coulé sur ces sols-ci, est-ce qu'il avait encore le droit? J'ai dit là, c'est l'œuvre qu'il a faite. Genèse. Que Dieu bénisse. Ça nous pousse donc à beaucoup méditer, ça, frère. Donc, il y a plusieurs sortes de morts. Il y en a une qui est la principale. Le Seigneur Jésus-Christ va dire à un certain groupe de personnes qui veulent le suivre. Il a dit à l'autre, suis-moi. Il dit que laisse-moi d'abord, je ne vais pas enterrer. Mais, mon père. Le Seigneur Jésus-Christ se tient là, il lui dit que laisse. Allons-y, frère, laisse. Les morts, les morts. Pas laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va et annonce le royaume. Dans cette phrase, il y a une style de mort de ceux qui sont couchés. Dans cette phrase, il y a d'autres qui marchent pour porter ceux qui sont couchés. Donc la personne qui va aller porter, la personne qui est morte, les deux sont dans les mêmes conditions. Vous voyez? Donc normalement, si vous comprenez la révélation des Écritures, si quelqu'un se couche, il ferme les yeux et qu'il est du mauvais côté, déjà, normalement, on ne devait plus pleurer. Qu'il soit du bon côté ou du mauvais. Je vais vous expliquer. Je veux que vous gardiez bien ceci à l'esprit. C'est du vivant de la personne que vous pouvez pleurer pour son âme. Parce qu'il est du mauvais côté, il n'a pas de mauvaises décisions. Écoutez très attentivement. Vous vous souvenez de l'histoire de David. Quand il avait couché avec la femme du riz. Et que l'enfant avait été décrété comme il va mourir. La Bible déclare que Dieu frappa l'enfant et l'enfant était gravement malade. Dans celui de 2 Samuel chapitre 11 et chapitre 12. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand l'enfant était malade, qu'est-ce que David faisait? Il priait. Il priait. Quand l'enfant est mort, il a fait quoi? Il a? C'est levé maintenant, c'est lavé maintenant. Ou est-ce qu'il donne-moi à manger? Parce que c'était. Maintenant, dans ce siècle-ci, les gens ne comprennent pas. Plutôt, quand. Il dit qu'il ira vers l'enfant, mais l'enfant ne vient pas vers lui. Écoutez très attentivement. Je vais encore expliquer l'histoire de David et puis transporter à notre peuple pour que vous voyez qu'on nous fait plutôt le contraire. L'enfant est malade. Il cherche de toutes ses manières pour empêcher l'enfant d'aller dans un lieu bien précis. C'est ça? L'enfant meurt, il ne quitte pas là-bas, il sait que c'était terminé. Il peut maintenant faire quelque chose. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, vous appelez quelqu'un que je suis malade, j'ai besoin de 5 000, on ne vous donne pas. On dit vas-y. Quand tu meurs, on achète des bons cercueils. On organise des dés, on loue les tentes. Pourtant, l'argent de la tente était suffisant pour t'acheter un médicament qui pourrait te restaurer. Vous voyez ce que les êtres humains sont comment? On est tellement égoïste. C'est-à-dire que l'argent, parce que chacun va venir se présenter au deuil. Après quoi, on donne le bien à pression, on dit que mince, le gars s'est pleuré son père. Le deuil a été un bon deuil. Donc tu dis, quel genre de deuil? Je n'ai même pas bu là-bas. Les bons deuils, je bois souvent 12. Voilà les bons deuils. Quelque chose ne va pas chez les êtres humains, parce qu'ils ne comprennent pas. Je recommence encore. Lorsque quelqu'un vit, on peut encore intercéder pour lui. Lorsqu'il meurt, c'est terminé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu pries. Que tu pleures, que tu fais quoi, ça ne change plus ça quand? La condition a été changée quand il est vivant. C'est ça? Alors la Bible déclare donc que les vivants savent en effet qu'ils mourront. Les morts ne savent rien. C'est ce qu'il dit dans l'Écriture chapitre 9, verset 5 et 6. C'est ça, frère? Maintenant, quand la Bible déclare que les vivants en effet savent qu'ils mourront, dans l'Écriture chapitre 7, si vous regardez très bien, dans votre verset 1 jusqu'au verset 4, je crois que vous avez l'Écriture chapitre 9 aujourd'hui. Je viens de citer le verset. Notez maintenant le verset 12 de l'Écriture chapitre 2. Chapitre 9. Notez, on va lire dans Genèse tout à l'heure. Vous y êtes. Dans Ecclésiaste chapitre 7, si vous lisez les quatre premiers versets, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Pourquoi? La Bible répond, parce que les vivants, celui qui est vivant, en allant dans la maison du deuil, il prend ces choses à cœur. C'est-à-dire que quoi, la personne qui est couchée te prêche en disant bientôt voici ta condition. La question c'est quand il va se coucher, est-ce qu'il sera. Maintenant, les êtres humains ont développé toutes sortes de théories pour se convaincre qu'il y a des groupes qui disent que c'est là où les témoins de Jéhovah sont. Hein. D'autres groupes disent que l'âme est immortelle. C'est comme on a vu ça ici. Que l'âme est immortelle. D'autres groupes disent. Comme les témoins de Jéhovah, ils disent que l'âme, c'est encore l'homme. Par contre, ils ne croient pas que l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. S'ils ne croient pas cela, par conséquent, pour croire à l'enseignement biblique sur lorsque l'homme est couché en tant que chair, l'autre dimension qu'on va parler ce soir, ils ne peuvent pas croire ça. Par conséquent, il faut qu'ils trouvent une autre tournure, une autre signification de ce qu'on appelle enfer dans la Bible, de Sheol et de cela. Ils vont parler maintenant de la destruction perpétuelle. Que Dieu va anéantir, que le feu c'est un symbole de destruction, c'est un symbole de destruction. Mais comment on peut brûler un feu qui est physique peut brûler quelque chose qui est symbolique. Si quelque chose est parabolique, le feu doit être parabolique. Si la destruction est parabolique, le feu doit être parabolique. Parce que, mais il y a un feu qui doit brûler, pas vrai? Alors maintenant, leur seule explication, parlant des témoins de Jéhovah, c'est ce livre de Jean, de Genèse, Jérémie chapitre 7, où Dieu dit là, que ce qui ne méritait même pas monter dans la pensée. Ils ont sacrifié leur fils, ils ont allumé leur fils dans la vallée de Hinnom, ce qui ne méritait même pas monter la pensée. Dieu dit là-bas que les Israéliens, parce que Dieu avait dit dans quoi, Lévitique chapitre 19, le verset 31, qu'il faut voir que les gens livrent leurs enfants à Moloch, les fassent passer par le feu. Il avait dit ça clairement. Maintenant là, les enfants d'Israël sacrifiaient dans cette vallée-là. Ils sacrifiaient leurs fils. Dieu dit que ça ne devait pas être monté par la pensée. Il prend ça, il dit que Dieu a dit que les pensées de brûler les gens n'étaient pas dans ces pensées. Qui a brûlé les gens à Sodome et Gomorre? C'était dans ces pensées, frère. Il dit à ton voisin que les témoins auront besoin de délivrance. N'est-ce pas, ce n'est pas le feu et le souffle qui a brûlé les gens à Sodome et Gomorre? On dit qu'une pluie de feu, lorsque l'eau est sortie, il n'était pas encore rentré dans le soir, lorsqu'il y avait le feu qui est descendu sur cette soie. Ce sont les. C'est, qui était là-bas, frère? Les êtres humains. Il les a brûlés. C'est ça, de quoi, frère? Alors, lorsqu'on dit, nous ne croyons pas qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, ça commence à poser problème. On a dû toucher la mort là, maintenant, frère. Lorsque cette personne-ci ne parvient pas à croire qu'il y a son corps physique tel que je vois là, son âme et son esprit. Alors, il aura un problème avec la Bible. Il va rencontrer la Bible quelque part. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, que lorsque les cris parcourent les rues, lorsque les jeunes filles cessent de cris et que le cordon est coupé et que l'esprit les retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ce qui est avancé Ecclésiaste chapitre 12, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, lorsque le cordon est coupé, donc ça veut dire que quand le fil de ta vie est coupé sur la terre, on a décidé que, hop, c'est terminé celui-là. On dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, la personne on est couchée physiquement, son esprit retourne à Dieu. Notez Actes chapitre 13. Dans cet Actes chapitre 13, le verset 36 particulièrement nous intéresse. Dans Actes chapitre 13, l'apôtre Paul explique, parlant du prophète David. Puis verset 36, je veux que vous m'ouvrez ce verset-là. Écoutez, pendant qu'on y avance. Actes chapitre 13. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, c'est bien de prêcher au milieu de vous. Je peux prêcher là jusqu'au matin parce que l'atmosphère est bonne. Les caisses sont préparées pour recevoir vraiment. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, Actes chapitre 13. Vous êtes là. Verset 36. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Stop. Je veux remarquer bien ce que l'apôtre Paul dit. Ça, c'est quelque chose de terminologie que vous allez voir dans l'Ancien Testament. On va y arriver tout à l'heure. On va lire Genèse, tout à tout, avec Nombre chapitre 20, comme j'ai donné, et Juges chapitre 2. Il avait expliqué ici du fait, pour parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, les gens lisaient la Bible, ils entendaient comment David parlait dans la Bible. Il dit que tu ne permettras pas que ton Dieu aimé voit la corruption. Or, la corruption, quand on vous met dans la tombe, la corruption, c'est lorsque vous dépassez 3 jours. Quand vous dépassez 3 jours, votre corps atteint la corruption, c'est-à-dire que la pourriture. Votre corps commence à pourrir, le nez, sa fesse, sa tombe. À cet instant-là, vous avez atteint la corruption. La corruption a touché. Il dit que, oh, David, c'est l'apôtre Paul qui dit ici, lorsqu'il a prêché pour expliquer la repentance, enfin, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il veut par là dire que ce qu'on lit dans la Bible, là, on parlait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En parlant, parce que, oh, là-bas, dans le livre des psaumes, c'est l'apôtre, c'est le prophète, c'est le roi David qui écrit. Et là, il a dit que ce roi David, il veut parler pour leur dire que ce roi David qui écrit, enfin, il ne parlait pas de lui, il parle d'une autre personne. Parce que après avoir servi en son temps, il est mort et a vu là, parce que 4 jours a atteint dans la tombe. L'apôtre Pierre va prendre le même passage dans chapitre 3 pour leur expliquer clairement que son tombeau est parmi nous. Donc, on parle dans le tombeau de David, on va voir ses os là-bas. Mais le tombeau du Seigneur Jésus-Christ est vide, frère. Vous voyez cela? Alors maintenant, ici, il dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu. Servi au dessein de Dieu. Écoutez très attentivement. Est mort, a été enterré, a vu là. Maintenant, regardez entre les yeux que vous lisez quelque chose, je veux que vous montrez quelque chose, je veux quelque chose par rapport à ce qu'il veut parler là maintenant. Allons-y encore, 36. Oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, oui. Est mort, a été réuni à cette terre. 2. Et a vu la corruption. 3. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Vous voyez ça, frère? Alors, 1. David est mort. Quand il est mort, il n'est pas resté dans la tombe totalement. Amen. C'est, pas, c'est le verset qui dit. Amen. David n'est pas resté dans sa tombe. Amen. C'est ça, c'est ce que le verset André dit, non frère? David est mort, virgule. On dit quoi? A été réuni à ses pères. Je veux que vous gardiez cette expression dans votre âme maintenant. On dit David est mort, a été réuni à ses pères. C'est quoi? Réuni à ses pères. Donc, ça veut dire quand tu meurs, quand t'enterres n'importe où, ça ne dépend pas de là où on te met sur la tête. On te jette dans l'eau, ça ne dépend pas. Tu vas être réuni à tes pères. C'est merveilleux maintenant. Ça veut dire que ceux qui servent au destin de Dieu ont un lieu particulier, ils sont regroupés. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13, verset 36 que la mort, la cessation de la vie sur la terre n'est que le commencement et le passage obligatoire pour aller dans un peuple. On va voir ça plein là dans la Bible maintenant. Prenons cela, Genèse chapitre 20. Genèse. Franchement, que Dieu vous bénisse. Prenons Genèse chapitre, commençons au chapitre 25. Et quand je vous ai donné Genèse de la Bible, on va parcourir la Genèse, n'est-ce pas? Nous allons voir cette terminologie dans la Bible maintenant. Chapitre 25 de Genèse. On avance. Genèse chapitre 25. Regardez, je vais lire le verset 8 seulement. Regardez. Abraham expira. Et quoi faire? Mourut. Après une heureuse vierge. Âgé et rassasié des jours. Et il fut. Regardez bien. On parle le langage humain. C'est ce que nous considérons sur la terre. Il dit que Abraham expira et il mourut. Âgé et rassasié des jours. Lorsqu'il est mort comme ça, on dit qu'il fut. Il fut quoi? J'aimerais qu'on m'explique le peuple d'Abraham. C'est où? Vous comprenez donc que quand Abraham est mort sur la terre, la Bible nous donne un renseignement qu'on l'a pris pour aller le mettre auprès de son. Donc la cessation sur la terre, le corps que vous mettez, vous dites. Lui, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Vous savez cela? Je me rappelle tout à l'heure, il me suis arrêté tout à l'heure quand il était là un instant parce qu'il était en train de vouloir parler quelque chose. Et puis, c'est là où j'ai compris. Tout à l'heure, on était en train de prier. Je crois que les soeurs sont là. On était en train de prier pour un garçon qui est venu à la maison. Quand il tendait la main sur lui, il a parcouru son corps. Je vois qu'il a deux styles de nourriture dans son corps. Je me suis arrêté. Le frère Haché est là. La soeur, tu étais là aussi. La soeur, elle était là. Là, à la maison. Je me suis arrêté. J'ai dit, je ne parlais pas parce que ceci touche ces choses que nous sommes de voir. Je me suis dit, mon cher, tu as deux styles de nourriture dans ton corps. Il me dit, comme ça que deux styles de nourriture, comment? Il dit qu'il y a une nourriture qui est la parole de Dieu que tu as mangé. Un autre style de nourriture qui n'est pas la parole de Dieu que tu as mangé, ça se trouve dans ton âme, ça doit te déranger ton âme. Il me regarde comme ça. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, ok, c'est le livre. C'est ce qu'il lit ici, c'est la parole de Dieu. Quand il dépose ici, avant que tu commences à lire cette Bible ici, quelque chose s'est passé dans ton âme. Et c'est dans ton âme. Il touche la main, je vois qu'il y a un style de vibration sur ton âme. Il dit que mon frère était bouddhiste. J'ai commencé à pratiquer le bouddhisme et quand il a commencé. J'ai senti comment mon esprit est sorti, je planais au-dessus de moi. C'est parce que c'est de ça que je t'en ai parlé. En fait, ce n'est pas son esprit qui est sorti. Ce n'est pas son esprit, ce n'est pas l'esprit au sens du souffle qui est sorti. C'est un corps, c'est son corps spirituel qui est sorti. C'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. J'ai dit, ah, c'est quoi cette histoire? C'est tout à l'heure, avant que nous venions ici. On voit quelqu'un qui va pratiquer, il pratique comme ça, il dit, moi j'arrête. Ça a souillé son âme. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un invoque les esprits, poussez. Prostituer avec elle. Quand il fait comme ça, il dit, non, je suis pas dans ces pratiques. Ça fait longtemps qu'il a pratiqué cela. Maintenant, il est devenu chrétien, il dit que non, je lis maintenant la Bible. Il croit que c'est terminé. Miséricorde des miséricordes, je vous le dis. Alors, lorsque quelqu'un ne croit pas en disant que le corps, si, n'est pas tripartite, c'est-à-dire que ce n'est pas le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit, comme la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, cette personne-ci aura des problèmes. Parce que voici Abraham qui est mort. Abraham était physique comme nous. On dit qu'il est mort, il fut recueilli auprès de ses pères. Acte chapitre 13 dit que David, après avoir servi au dessein de Dieu, en son temps, est mort, a vu la corruption. Donc on a enterré quelque part, il a vraiment pourri. Puis on dit que fut recueilli auprès de ses pères. Ça ne veut pas dire qu'on les a réunis dans un tombeau, les enterrés là-bas. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc, ça veut dire que la Bible, le langage biblique, dit que la mort, quand on enterre quelqu'un dans une tombe, dans une grotte, n'importe où, ce n'est pas la fin, dit la Bible. Alors, les gens ont institué tout genre de théories que non, non, tu as vu qu'il est parti et rentré. Notez Luc chapitre 16. Notez Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Si on a le temps, on va y revenir. Luc, le chapitre 16, verset 19 à 31. Luc, le chapitre 16, verset 19 à 31. Allons dans Genèse, chapitre 35. Genèse, chapitre 35. Faites mieux, suivez votre moto là-bas dehors. Si vous attirez la convoitise, il y a des gens qui sont en train de faire le coup là-bas dehors maintenant. Luc, Genèse, chapitre 35. Prenons le verset 27 à 28. On va avancer tout simplement. Lorsque ce sera fait, on va aller dans le Nouveau Testament. Regardez, il est dit 35, n'est-ce pas? Notez également Deutéronome chapitre 32, le verset 50. C'est plein dans la Bible. Vous avez noté Deutéronome chapitre 32, verset 50. Deutéronome chapitre 32, verset 50. Maintenant, chapitre 35 de Genèse, verset 27. 28 et 29. Allons-y. Regardez. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjath Arba. Vous êtes tout le monde là avec moi. Hein? Qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Et il expira et mourut. C'est ça? Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié des jours, et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterraient. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le verset-ci est un peu plus clair pour qu'on ne confonde pas recueillir auprès de son peuple avec l'enterrement qu'on fait ici. On dit que c'est quand on l'a recueilli auprès de son peuple avant quand même on l'a enterré, frère. On dit qu'on l'a recueilli auprès de son peuple avant qu'on ne l'enterre. Même chose pour le cas de Jacob. Même Jacob lui-même, c'est la même chose. Allons-y, Genèse, toujours. Prenons le chapitre. C'est terrible. Vous y êtes? Prenons le chapitre 50. Vous avez ouvert le chapitre 50. Rentrons au chapitre 49, on prend les derniers versets, on finit avant de tomber, avant de continuer dans le 50. Chapitre 49 de Genèse. Que Dieu vous dise. Tout le monde peut dire à quelqu'un, n'aie point peur de la mort. Parce qu'en effet, notre Bible dit que notre Seigneur, notre Rédempteur, celui qui est ressuscité de mort, tient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez maintenant qui a l'autorité maintenant, n'est-ce pas? Vous savez maintenant qui a l'autorité. La Bible déclare, parlant de la maison de David, que lorsqu'il ouvre, ouvrira, personne ne fermera. Lorsqu'il fermera, personne n'ouvrira. Donc celui qui commande. Chapitre 49, regardons, je vais lire la partie du verset 29 jusqu'au dernier, puis on va tomber au chapitre 40, chapitre 50. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Notez aussi le chapitre 47, verset 29. On va pas tout lire. Je vais seulement lire 2, 3, 4, 5, et puis on va avancer. Genèse, chapitre 49, je lis à partir du verset 29. Puis, il leur donna cet ordre. Je veux être... Frère, vous êtes avec moi. C'est Jacob qui allait lui parler. Il est assez âgé. Et puis là, maintenant, il donne ses dernières indications. Écoutez très attentivement comment la bonne mort. Je vais vous expliquer les bonnes morts. Voici un exemple de bonne mort. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être. Je pose la question. Ceux-ci n'ont pas de livre, frère. Ils n'ont pas de Bible qu'ils lisent. Il sait exactement que quand il va fermer les yeux, il va quelque part. Nous avons la Bible aujourd'hui. Écrite et leur histoire contenant là-dedans. Et tout ce qui leur concerne et tout le plan de Dieu est écrit. Maintenant, on discute. que quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Et lui, il n'a pas de Bible, mais il sait où il va. Et il a dit avec assurance que je veux être recueilli auprès de mon peuple. Il ne parle pas de la terre, non, pas frère. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Mais regardez bien. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. Si vous lisez son histoire, il y avait un champ qu'il avait acheté, n'est-ce pas? Maintenant, là, il en a de parler présentement. Il est en Égypte, en territoire égyptien. Écoutez très attentivement, c'est intéressant. Le papa des 12 tribus d'Israël, il est en train de parler, étant en Égypte, il est vieux, âgé et rassasié des jours. Il a donné les dernières instructions. Il dit qu'enterrez-moi dans le champ de Hétien, là où il a accueilli sa femme là-bas, Rachel. On va voir ce tout à l'heure, comme il va dire. Mais là, il est en Égypte. Écoutez très attentivement. Je dis, il est en Égypte. Il donne les dernières instructions. Il se trouve en Égypte. Il dit, enterrez-moi là-bas. Il dit, je veux être recueilli auprès de mon peuple. Continuons. Puis il dit, dans la caverne du champ de Macpella, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté à Défon le Hétien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Ce champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé, c'est qu'un père qui a donné, comme nous avons vu le cas des pères du frère Haché. Lorsqu'il donne sa dernière volonté, écoutez ça attentivement. Je vais souhaiter revenir là-dessus. Quand quelqu'un craint Dieu, vous allez m'amorer. Ce champ et la caverne qui s'y trouve ont été achetés des fils de Heth. Verset 33, écoutez attentivement. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et... Vous avez vu cela, frère? Quand il a expiré à cet instant, il se trouvait où? Il venait de le dire cela. Il dit, je vais être recueilli bientôt auprès de mon peuple. Mais voici l'instruction. Vous allez m'enterrer en tel endroit, auprès de ces champs de sépulture. C'est une prophétie par rapport à l'enterrement. Mais je ne vais pas toucher cela maintenant. Mais regardez attentivement. On dit, lorsqu'il a mis son pied sur le lit, à cet instant, quand il a expiré, il a été recueilli auprès de son peuple. Continuons maintenant au chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et le médecin l'embaumait Israël. 40 jours s'écoulaient ainsi et fut employé à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 60 jours. J'aime ça. Ça montre vraiment que vos yeux sont dans la Bible. J'ai dit 60 jours, vous regardez, vous dites 70 jours. Que Dieu vous bénisse vraiment, frère. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montaient tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Et il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'aire d'Artat, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays des Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'aire d'Atan. Et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Vous voyez le monde, non? Vous pouvez, va pas loin. Mais c'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette aire qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutaient les ordres de leur père. Ils le transportaient au pays de Canaan et l'enterraient dans la caverne au champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Amen. Alors, nous comprenons effectivement que son père a été enterré plusieurs jours, mais avant, il avait été recueilli. Vous permettez que je parle un instant maintenant. Il y a un lieu de réunion des saints lorsqu'il quitte le corps. Amen. Il y a un lieu de réunion des saints. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, si vous vous y trouvez, vous allez voir les gens que vous lisez dans la Bible. Amen. Vous allez les rencontrer. Ils s'y trouvent. Bon, si je dis ces choses-là, vous allez dire que peut-être il est en train de les dérégler. Donc, moi, je dis simplement vous que quand ils quittent quelque part, ils se réunissent à leur peuple. Mais ils ne sont pas comme ça là, chaque jour, comme ça. Ils n'attendent pas comme ça. D'accord, frère? Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6. Ah, mon Dieu. Donc, préparez, ouvrez Deutéronome 32, dont j'ai parlé tout à l'heure. Directement, dans la conclusion, on y va. Dès qu'on vous allez finir de parler, je veux... On finit de lire ce passage-là. Apocalypse chapitre 6, lisons à partir du verset 9. Ça, c'est l'histoire des sceaux. Lorsqu'on a ouvert les sceaux de la Bible, regardons, examinons le cinquième sceau. Le verset 9 de Apocalypse chapitre 6 parle du cinquième sceau. Vous y êtes? Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. Il a vu quoi, frère? Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause... Et à cause... À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il est clair que cette personne, ce qu'on a vu ici, n'était pas physique. Parce qu'on dit qu'ils avaient été immolés. Immolés, ça veut dire égorgés. On les a égorgés à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Mais le problème, c'est qu'on a ouvert un voile pour qu'ils les voient. Maintenant, il les a vus là-bas. Il a dit, j'ai vu ceux qui avaient été immolés. La Bible ne dit pas cela. Lorsqu'on a ouvert le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel. Il n'a pas dit les gens qui avaient été immolés. Il a dit leurs âmes. Vous avez vu ça, frère? Donc, quelqu'un sur la terre, on a immolé parce qu'il a parlé de Jésus. Il a eu un témoignage. On le tue. On croit que c'est terminé pour lui. C'est l'endroit le plus glorieux. C'est vrai que ce ne sont pas les chrétiens ici. Ceux-ci ne sont pas les chrétiens. Mais justement, vous montrez, ce sont les êtres humains, de toute façon. Alors, lorsqu'on les a immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, leurs âmes se trouvaient quelque part sous l'autel. C'est normal que ce soit sous l'autel parce qu'ils avaient demandé le sang de Jésus sur eux. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ceux-ci avaient demandé le sang de Jésus, donc il faut qu'ils passent par l'autel pour que l'autel parle en l'air. Vous savez que l'autel parle, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous savez que l'autel parle. Amen. Il faut que l'autel parle en leur faveur pour qu'il y ait la propitiation. Maintenant, la Bible déclare donc que ces âmes-ci criaient. Pas vrai? Amen. Ils criaient, Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à tirer vengeance sur ceux de là, sur la terre? On dit maintenant que quoi? Qu'est-ce qu'il leur fut donné? Une robe blanche. Une robe blanche leur fut donnée. Donc, ça veut dire que les âmes s'habillent. Donc, les âmes s'habillent. L'âme. Donc, comme tu es comme ça, ton âme est comme ça. Une robe blanche leur fut donnée. Il leur fut dit de rester encore pour un peu de temps, le temps que leurs compagnons soient mis à mort ou comme. Donc, on dit clairement qu'ils étaient mis à. Mais là, ils étaient en train de converser en disant qu'attendez, il y a d'autres morts qui arrivent. Amen. Lisez Apocalypse encore, chapitre 19. Allons-y encore, chapitre 6. Lisons, verset 9 et suivant. Allons-y jusqu'au verset 11. Non, je crois que à ce rythme-là, vous êtes vraiment chaud ce soir-ci. Qui veut lire donc, frère? Quand ils ouvrirent le cinquième sceau, oui. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, oui. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Oui. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Donc c'est clair que leur langage dit clairement qu'on a versé le sang sur la terre. Et il veut qu'on venge. Mais la Bible, c'est leur âme qui criait. Et on n'a pas dit là-bas qu'ils avaient quatre têtes. Donc ils conversaient comme on converse sur la terre. C'est ça, frère. Allons-y, continuons. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, oui. jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc, on est que les gens sur la terre encore, Dieu a préparé les certaines personnes qui vont mourir pour arriver là-bas. Amen. Alors, dis à ton voisin, la mort physique sur la terre n'est pas la fin. Vous avez suivi ça, frère? La mort physique sur la terre n'est pas la fin. D'accord? Et par conséquent, c'est une transition pour aller quelque part. Maintenant, regardez, la Bible nous montre encore ici que, étant là-bas de l'autre côté, on est conscient de ce qui est sur la terre. Ceux-ci savent qu'ils sont arrivés là-bas par immolation. Et on leur donne leur enseignement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est recueilli, on est quelque part, on ne reste pas tranquille. On discute des choses. On discute des choses, des décisions. Qui va être, vous pensez ici que qui va être roi sur le pays du Cameroun? Ça se discute, frère. Il ne veut pas seulement parler pour que vous dites que là, il est allé trop loin. D'accord? Mais ici, discuter parce que ceux-ci, les anciens sont regroupés là-bas en syndicat. Ils disent que non, syndicat des anciens immolés, à cause de la parole des dirigeants, mis la plaque devant Jésus. Non, maître, c'est véritable, nous grévons. faut que nous avons le droit. Je tire vengeance. Il est sorti, vous savez, quand il y a grève, les gens viennent trouver la solution. Il est venu à dire que mon ami, ok, calmez-vous d'abord. La solution, c'est que, en fait, on veut que vous soyez en complet pour qu'on vous donne ce que vous avez. On dit qu'ils se tiennent en repos. Donc là-bas, on se repose. Vous voyez ça, frère? C'est ça, n'est-ce pas, frère? Alors maintenant, l'âme est constituée comme. Je vous ai raconté mon histoire, c'est plusieurs fois de ma tante que j'ai vu quand elle était petite. Je vous dis que ces choses, ça ne peut pas m'équiter. Je l'ai vu se coucher comme ça. Les gens pleuraient. L'assemblée était assise, ou était assise comme ça. Les gens disaient. J'étais là enfant. Ils couraient partout, Subitement, je me suis tourné, je l'ai vu debout. Cette vision-là, ça ne m'a jamais quitté. Donc, même si vous déchirez la Bible en disant que. Quelle est la preuve? La preuve, c'est tout d'abord dans mon esprit. Si tu peux entrer dans mon esprit, voir ça, tu en tu vois. Si tu as encore eu d'espérance, c'est ton problème. Si tu n'y crois pas, j'ai fait. Au moins une fois, je suis allé quelque part là-bas et j'ai vu et entendu les choses. Donc, moi-même, je peux être témoin de cela. Donc, même si vous refusez de croire sur la terre, moi je sais où je vais aller quand je vais mourir. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Maintenant, elle est couchée là. Les gens pleurent. C'est tout ce que l'être humain peut faire là-bas. Je l'ai vu debout. Habillé avec son pain. Elle avait tourné le pain. L'une des choses que je remarque, c'est que, vous savez, quand les femmes attachent le pain, si elles n'attachent pas bien, un côté un peu décalé. Son âme avec le pain décalé comme ça, frère. Son âme, c'est-à-dire quand vous savez, quand je ne sais pas où vous attachez vos pains, comme ça, vous faites ici comme ça. Et puis, un côté, ça ne va pas en harmonie là-bas. Le dernier trait ne coince pas. L'autre côté était plus bas que l'autre. Donc, je peux voir encore la vision. Ça, j'avais peut-être 2 ans. Elle est vue debout. Elle a regardé son corps comme ça. Elle a regardé les gens. Elle s'est tournée. Elle a regardé la porte. La porte était comme ça. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. Elle avait une petite nappe d'eau autour de la porte. Le reste, c'est l'obscurité. Elle a fait comme ça, sauté cette nappe d'eau-là. Elle a fait comme ça. Quand elle a sauté, elle a disparu. Vous avez mis bavardé que quand quelqu'un meurt, c'est terminé. Vous blaguez seulement. Vous dites, comment tu as fait pour voir? J'ai joué. Ça, c'est 1. 2, j'étais en. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le voir. Je me suis tourné, je l'ai vu. Je regardais, je regardais l'assemblée. Tout ce que les gens savaient faire là-bas, c'est pleurer. Pleurer. Vous passez dans les hôpitaux, vous voyez quelqu'un en train de pousser quelqu'un sur la civière pour aller mettre la mort. Vous le voyez debout en train de poursuivre son corps. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous dites à quelqu'un, on va vous attraper, mettre dans un écouteur de psychiatrie là-bas. Donc, vous restez tranquille, il court derrière son corps, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et là, quelque part, il voit quelqu'un qui vient devant lui, il se rend compte que la personne passe devant lui. Il se rend compte que ce qu'il ne croyait pas sur la terre, il vient d'entrer dans la réalité. La minute d'après, lorsqu'il commence à être conscient pour dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive, les gens se saisissent pour l'amener là où il doit aller. Là, vous n'avez pas de cri. Quel que soit le cri que vous faites, n'aie pas peur, d'accord, frère? Ton cœur battu. Hein? À l'instant là, à cet instant là, il y a un tunnel qui t'aspire. Alors, mesdames, permettez-moi de vous dire ceci. Votre Bible dit que les convoitises font la guerre à l'âme. Ok. Votre âme sait à quoi se nourrit. Ça va aller par la personne qui inspire cela lorsque vous allez quitter votre corps. Nourrissez votre âme des passions mondaines. On vous parle, vous ne comprenez pas. Quand vous allez fermer vos yeux, vous savez, n'essayez pas de dire qu'il veut vivre comme un mondain. Quand il veut mourir, les anges vont me prendre. Luc chapitre 12, chapitre 16. Chapitre quoi? Chapitre 16. Luc chapitre 16. Je crois que Apocalypse chapitre 6 a encore réglé le problème que l'homme n'est pas seulement un corps qui est censé mourir. Alors, la bonne mort, C'est lorsqu'on a achevé, c'est pourquoi on était sur la terre. C'est ce que l'apôtre Paul, mon grand frère, dit dans l'Épître de 2 Corinthiens, chapitre 4, il passe le temps à écrire là-bas. Chapitre 4 et chapitre 5. Il dit là-bas que nous savons que si ce corps dans lequel cette tente physique dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un autre qui n'est pas fait de main d'homme. Et il dit même qu'il souhaiterait quitter cette tente pour être auprès du Seigneur. Ce qui devrait être même le meilleur. C'est ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3. Mais il dit, à cause de vous, il faut que je demeure encore dans cette tente. Remarquez ce qu'il dit. Il dit, il faut que je demeure encore dans cette tente. Voici quelqu'un, vous le voyez, vous dites, voici l'apôtre Paul, voici le frère Jean qui a parlé. Mais lui, il dit que je souhaiterais quitter cette tente pour aller dans le Seigneur. Donc, qui est en train de parler? Il dit qu'il veut quitter cette tente. Donc, ce que vous voyez là, ce que vous pouvez toucher là, où on met le couteau pour dire que si tu parles encore des gens, on coupe là-bas. Ce n'est qu'une enveloppe dans laquelle le vrai se cache. Vous suivez ça, frère? J'ai dit quel livre, c'est quand vous avez ouvert la maintenant, c'est quoi? C'est Luc au chapitre 16, permettez-moi d'en lire, Luc au chapitre 16, lisons à partir du verset 19, je crois que je vous ai donné aujourd'hui. Oh mon Dieu, dans ce cas, allez dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, et puis lisons ça, et rentrons dans Luc au chapitre 32. Dans le chapitre 32, j'avais dit le verset 56, je crois, c'est ça? 52, c'est ça? 50. Verset 50 et suivant. Regardez. Oui, prenons la partie verset 48, d'accord? 48, jusqu'au dernier verset du chapitre 32 d'Exode, de Deutéronome. N'ayez pas peur de la mort. Les gens roulent la voiture, on fait la voiture, son cœur sort, ça va devant de rentrer encore dans son cœur. N'ayez pas peur. Marchez seulement en règle avec le Seigneur. Quand vous dites, quelqu'un qui se couche là-bas et qu'il est chrétien, vous dites, vous faites même pleurer pour vous, comme le fait Achille, maintenant que. Qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi à genoux ici. Là. Tu prends le chaussure de ton frère, tu veux balancer en bas. Quand le frère Achille dit ici que mon père est parti, maintenant, c'est mon pleur, mon sort qu'il fait, c'est la bonne attitude là-bas. Donc maintenant, le père est parti, il est parti dans les bonnes mains. Quand il part, en réalité, si vous entendez sa voix, il va dire que je vous laisse la terre là, continuez, courage à vous qui êtes là-bas. C'est ça qu'il veut dire. D'accord, frère? Deutéronome chapitre 32, verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez très attentivement. Monte sur la montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays des Moabites, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Vous avez vu ça, frère? Donc il dit à Moïse que les gens de nos dieux aiment tellement la vie qu'ils ne savent pas qu'ils aiment la vie. Il dit qu'ils aiment tellement la vie, c'est-à-dire la vie mondaine, qu'ils souhaiteraient pas, malgré qu'ils disent la vie que Seigneur, Dieu, mon cœur est tout à toi. En réalité, c'est le mensonge. Il trompe seulement Jésus près de sa bouche. Voici quelqu'un qui dit, on lui dit monte sur cette montagne, si tu vas mourir, on lui informe que ce qui va lui arriver devant. Lui, il n'a pas peur. Lui. D'abord, même si tu as peur que Dieu t'a dit, ça ne va pas comment devant. Tu as le choix, frère. Alors, lorsqu'il monte sur la montagne, voici les gens, on dit aux gens plusieurs fois dans la Bible que tu vas mourir. Les gens ne s'inquiètent pas. Quand vous voyez les gens qui ont le bien intérêt, c'est ça, ils auront des problèmes. Quand ils rêvent un peu comme ça, que mon ancien père qui était mort est venu dans le royaume, il dit que viens, il se lève le matin, on a. Allô frère, intercède pour moi, l'esprit de mort me poursuit. Il te poursuit, s'il voulait te prendre, il t'informera même pas. Il y a des gens qui sont allés faire ce pour nous, ils sont tombés, terminé, pas vrai? L'âme, son âme est à ôter. Il vous fait n'importe quoi, n'importe quelle réanimation. Écoutez ça, par exemple. Vous pouvez réanimer le cœur de quelqu'un. Ça fait pop, pop, pop, pop, pop, pop. Enfin, comme dans son cas, et dans le cas comme le papa a dit tout à l'heure, là, il était déjà rétabli. Et tout allait bien. Le fait que quelqu'un n'est pas malade ne veut pas dire qu'il n'est pas candidat à la mort. Lorsque ton premier pleure quand il sort du ventre, c'est que tu es candidat à la mort. C'est quoi, c'est même à cause de ça que c'est qu'on pleure. Candidat à la mort. Les gens m'ont dit qu'il serait mieux que quand il meurt comme ça. Quand il naît, on le met où c'est comme les gens avortent là. Il serait lui un avorton. Il n'aurait pas vu les choses comme ça qu'il a vu sur la terre. Vous voyez? Mais si Dieu a voulu que tu y passes dans la vie, dis à ton voisin, tu n'as pas à voir sur la terre. Dis à quelqu'un, tu n'as pas à voir sur la terre. Et seul toi peux voir ça. Et quand tu auras vu ta part, tu vas te recueillir. D'accord? La question c'est, lorsque tu es recueilli, tu pars où? Ici, le Seigneur dit à Moïse de monter sur le mont Abarim. Il va être recueilli là-bas vis-à-vis de Jéricho. Il va être recueilli. Tu mourras. Ça veut dire qu'il va cesser, il va expirer. Donc son souffle va laisser et que toutes les cellules de son corps vont cesser leurs activités. Quand ça cesse l'activité, il est enseigné que les reins, les 80% des organes vitaux qui sont au niveau des reins, quand ça cesse, le cœur cesse de battre, le cerveau cesse de fonctionner, on dit que tu es déclaré cliniquement mort. Quand tu es déclaré cliniquement mort, le médecin, quand il sort de la chambre d'opération, il dépose le truc comme ça, il enlève les gants, il te regarde. Le signe t'annonce le message. Son geste t'annonce le message. Après, il baisse la tête comme ça. Je suis désolé, madame. On n'a plus rien fait. L'homme s'arrête là-bas. C'est là où le chemin commence avec Dieu, véritablement. C'est là où le chemin commence avec Dieu. Là, maintenant, ta bibliothèque est ouverte du côté du ciel. Le livre est ouvert. On prend son dossier. On met fin du séjour. On met le cachet, on dépose, on arrête. On attend ces grands jours. Faites attention, frère, sur la terre. Les désirs pernicieux qui font la guerre à l'âme. Là où ton âme mange, ça va t'accueillir là-bas. Les passions de la chair. On avance, frère. Alors nous comprenons ici dans ce Deutéronome chapitre 32, verset 48 et suivant, que Moïse a été recueilli auprès des sons. Comme Aaron a été accueilli aussi auprès des sons. Donc Moïse et Aaron n'ont pas le même. Un frère, ils sont sur la terre les frères, mais chacun a son. Vous entendez, vous comprenez ce qu'il dit, frère? Moïse et Aaron, chacun a son. Abraham a son. Jacob a son. La question c'est, le peuple d'Abraham, dont on parle qui sera accueilli auprès d'eux, c'est qui au juste? Puis c'est lui le premier appelé, n'est-ce pas, frère? Il part rencontrer qui là-bas? Il part rencontrer Noé. Et Noé aussi a accueilli auprès de son. Il n'a pas accueilli qui là-bas? Son peuple. Son peuple, c'est qui? Je recueille auprès de mon peuple. Si vous êtes des miens, vous allez me retrouver ces jours-là. Il sera plus court comme ça que vous voyez là maintenant. Il est fatigué là. C'est plus comme ça. Si vous êtes miens, si vous m'aimez sur la terre ici, ça ne sert absolument rien. Si vous m'aimez, ça vous est bénéfique. Si vous m'aimez, ça ne vous servira de rien. Même si votre cœur veut que vous m'aimez, faites l'effort de m'aimer. Vous avez intérêt. Parce que moi, je vous aime. Même si vous faites n'importe quoi, même si vous dites n'importe quoi de moi, par derrière, moi, je vous aime. Vous avez intérêt à aimer. Parce que ces jours-là, si vous ne m'aimez pas, vous allez faire comment? Quand vous allez me voir là-bas maintenant, ces jours-là. Quand la semaine va se passer, je vais me présenter maintenant, on dit que passe avec ton peuple. Je passe. C'est pas moi qui l'ai le nom. Le peuple, vous allez suivre automatiquement. Vous allez suivre. Pas dit que Seigneur vous exagère. Il ne veut pas derrière lui. Là-bas, il n'y a pas de discussion. Vous suivez le mouvement de l'esprit là-bas. Si chacun fait la main comme ça, tous les mains vont en l'air comme ça. La Bible déclare ici, dans cet Apocalypse qu'on a lu là-bas, que tous les âmes là crient jusqu'à quand Seigneur Dieu. Donc, ils ne se sont pas concertés. Quand ils ouvrent la bouche, ils parlent comme ça que Seigneur, c'est la vengeance ici qu'on veut. Amen. Donc, dans ce Deutéronome, chapitre 32, verset 48 jusqu'à 51, la Bible nous enseigne que Abraham, Moïse, fut recueilli auprès de son peuple. Aaron fut recueilli auprès de son peuple à lui. Mais la Bible déclare que Moïse mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Il mourut véritablement, comme l'homme meurt. Donc en clair, la mort n'est pas la fin. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme je vous le dis aujourd'hui, le verset 50, l'apôtre Paul dit, voici frère, je vous dis un mystère. C'est pour ça que c'est enveloppé. Je vous dis un mystère, puis d'un seul mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous les vivants, qui serons restés. Écoutez très attentivement. Pourtant, il a dit tout à l'heure, nous ne mourrons pas tous. Mais il dit, nous les vivants. Quand il dit, nous les vivants, c'est sous-entendu ceux qui ont l'espérance en Christ et qui sont prêts pour l'enlèvement. Ça ne veut pas dire tous les vivants qu'il y a sur la terre, non. Quand il dit, nous ne mourrons pas tous, il ne veut pas dire que c'est tous les êtres humains sur la terre qui ne vont pas mourir. Non. Il a parlé de ceci, de ceux qui ont l'espérance. Parce qu'en réalité, que vous viviez à l'enlèvement, que vous mourrez à l'enlèvement, votre personne ne dépasse personne. Vous irez de la même façon, nous irons de la même façon. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ce qu'il dit là-bas. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce que quand la trompette va sonner, les morts en Christ resteront premièrement. Parce qu'ils vont quitter le sol pour nous retrouver en l'air. On va se retrouver, on va converger vers cet endroit-là et entrer devant le trône. Ce sera terminé. Vous voulez y aller, frère? Amen. Vous voulez y aller? Luc chapitre 16. Alors le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Rédempteur, a prouvé sur la terre physique où nous sommes maintenant, qu'il était digne de confiance et qu'il avait la puissance sur cet élément qui dérange les êtres humains appelé la mort. Il a prouvé de son vivant sur la terre en touchant le cercueil de cette fille de ce fils de Naïn qui était l'unique fils. Il a touché le cercueil, voyant comme ça comment tout le, pour lui c'était terminé. On l'a mis dans le cercueil, le cortège marchait. Tout le groupe était derrière, on avait préparé son sépulcre. On partait comme ça pour le mettre. On dit, dans le monde, on dit qu'on l'a conduit à sa dernière demeure. Tout le temps, regarde quelqu'un en pointant le nez. Il dit, ce n'est pas la dernière demeure. Ce n'est pas sa dernière demeure. Écoutez, tu vois, ce n'est pas la dernière. La Bible ne dit pas que c'est la dernière demeure là-bas. D'accord? Parce que Jean chapitre 14 dit qu'il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc, si on te dit qu'on te conduit à la dernière, ce n'est pas la dernière demeure là-bas. Là-bas, la dernière demeure, c'est dans la maison de notre Père qui est en haut. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Il y en a plusieurs. Quand je m'en serais parti, je vous aurais préparé, je viens de vous chercher. Quand il dit comme ça, il n'est pas conscient qu'il va venir plus de 2000 ans plus tard. Il est conscient aussi que ceux à qui il a adressé physiquement, ils ne seront pas là en tout temps. Hein, frère? Donc ceux-là à qui il parlait ne sont pas là. Leur dernière demeure. Leur dernière demeure, c'est là où Christ les attend. Amen. Il dit qu'il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai parti, je vous aurais préparé, je vais vous prendre afin que vous soyez avec moi. Amen. Donc, si vous croyez, vous avez l'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, vous y serez. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de possibilité que vous y soyez. Vous saisissez cela, n'est-ce pas, frère? Alors, si vous avez l'espérance en Christ, il dit que c'est cette espérance-là qui nourrit notre âme et qui fait l'état que nous courons chaque jour ayant le regard fixé sur lui. Vous me suivez, frère? Qui veut y participer? Tout le monde. Mais si on dit maintenant que qui est prêt à mourir pour passer par là-bas? Personne. Luc chapitre 16. Toi aussi, frère. Chapitre 16 de Luc, verset 19. Chapitre 16 de Luc, verset 19. Vous y êtes? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Déjà un, qui parle de ceci? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on garde ceci à l'esprit. Un pauvre, verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre quoi? Donc sur la terre, quelle est la déclaration sur la terre? Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Sur la terre, les voisins, quand on a vu le cadavre, on a dit que quoi? Il était mort. Le pauvre mourut et fut porté quoi? Dans le? Le riche mourut aussi et il fut? Vous avez vu ça frère? Même façon de se coucher. Même état d'inerte. Destination différente. Notez Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Vous avez noté? Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Apocalypse chapitre 13? Non, ne dis pas. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, frère? Je ne connais pas. Qu'est-ce qui est dit, frère? Frère, qu'est-ce qu'il dit? Frère, papa Tani, qu'est-ce qu'il dit? Non, papa Tani, tu t'appelles papa Tani déjà. Papa Tani, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait un autre depuis l'ancien. Comment, qu'est-ce qu'il dit là-bas, frère? Qu'est-ce qu'il dit? Même temps qu'il annonçait terminer le jour, tu as oublié les versets là-bas. Vous savez, ils ont leur livre là, cancer, non pas cancer, mais oui, comment raisonner par les écritures. Dès que tu touches un thème, pam, il part là-bas en lettre, d'abord il regarde la lettre. Si je dis esprit, il part regarder eux. Esprit. Il met le doigt là-bas, il bloque maintenant, il a ses trois versets. Là, c'est trois versets que tant qu'il dit n'importe quoi, il dit que regardons tel livre, comment raisonner par les Écritures. Ah, vraiment, le timide, je vois. Donc, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi je fais 14, verset 13? Il y aurait dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Allez, je vais vous les accompagner. Voilà. Donc, quand vous mourrez dans le Seigneur, comment, qu'est-ce qui se passe? Donnez le contraire de cette parole, allons-y. Malheureux dès à présent. À autre fois, frère. Malheureux des apprenants, ceux qui meurent sans le Seigneur. Oui. Car les zéros les suivent. Il veut que vous gardez ça à l'esprit. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Au sens de bénédiction pour les croyants. Il dit quoi? Le contraire dit quoi, frère? Voilà. Donc, quand tu meurs dans le Seigneur, quand tu ne meurs pas dans le Seigneur, tes œufs vont te. Tu meurs dans le Seigneur, mais pour eux, on a proclamé déjà qu'ils sont heureux. C'est quoi les œuvres qu'on fait? Alors, le verset 20 dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Ça c'est la condition qu'on appelle sur la terre la mort. Puis on dit qu'il fut porté par dans le sein d'Abraham. C'est ça, non? Le riche mourut aussi et il fut enseveli. La Bible nous enseigne que tu sois riche, sois pauvre, sois grand, sois petit, tu vas faire quoi? Mourir. Donc ton état sur la terre ne détermine pas ton état physique, ton état de prospérité sur la terre ne détermine pas le lieu où tu vas aller. C'est ça, frère. Maintenant, le pauvre mourut, le riche mourut. Peut-être l'enterrement du riche était grandiose, comme on fait sur la terre, parce que les riches, on les enterre bien. Quand on enterre, on t'achète le cercueil, on dit le cercueil, c'est combien? Il dit 150, l'autre c'est 300, l'autre c'est 400. Non, mon père, il était riche, je ne peux pas quand même l'enterrer avec un cercueil de 150 000. Il faut que l'appelle un cercueil de 3 millions pour bien l'enterrer. Vous avez vu le cas de Joseph, non? Quand les mondains ont vu le cortège, ils disent que yes, papa, c'est ce qu'on appelle grand deuil ici. C'est des grands deuils. C'est normal, Joseph, c'est comme ça. Alors, lorsque ce deuil-là passe ainsi, la personne qui est dans le cercueil, lui, il n'est plus là-dessus. C'est pas ça, frère? Joseph lui-même qui va aller enterrer, en mourant, il va donner une prophétie. Il dit que après moi, Dieu va vous visiter, va vous faire sortir de ce pays. Écoutez très attentivement. Puis il dit, lorsque je vais mourir, lorsque vous êtes sorti, faites sortir mes os hors de ce pays. Combien de temps ces os vont se retrouver en Égypte, frère? 430 ans. Quand on va sortir, maintenant on va entrer dans le pays, on va aller l'enterrer là-bas 430 ans plus tard. Mais le problème, c'est que le jour qu'il est mort, on dit qu'il a été recueilli auprès de son peuple. Donc tous les os que vous manipulez là-bas, il n'est plus là-dessus. Vous prenez ça, vous allez mettre sous l'église Saint-Thomas pour donner Saint-Joseph d'Arimathée. Il n'est plus là. D'accord, frère? On avance. Verset 23. Dans le séjour des morts. Souligné, dans le séjour des morts. Donc, il se trouve à l'intérieur. La mort. Passage obligatoire. La mort. Fil conducteur pour quitter la chair pour l'au-delà. La mort. Route ou bien itinéraire pour tous les êtres vivants. En anglais, on dit every living thing must die. Et non pas la révélation que nous ne mourrons pas tous. Vous avez souligné dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc le séjour des morts se trouve en bas. N'est-ce pas, frère? Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. On dit ici séjour des morts, donc Sheol, n'est-ce pas? Les témoins, je vous dis que tombe des souvenirs. Hein, ancien tu es. Et que tombe dans la tombe des souvenirs. C'est quand même terrible. Cette personne, si elle est inerte, on l'embaume chez les juifs, par exemple, on emballe la personne en mettant des aromates pour pouvoir que le corps ne sent pas hors des côtes. Maintenant, la personne à l'intérieur inerte. On dit ici, dans le séjour de mort, il leva les yeux. Donc, malgré qu'il était couché là-bas, il se retrouvait quelque part où ses yeux sont ouverts. C'est ça, frère? Où il est conscient de la place où il se trouve. Parce qu'il a la capacité de ses mouvements. Jusqu'à ce qu'il lève les yeux en se rendant encore qu'il est plus bas. Il lève les yeux plus haut au-dessus de lui. Il dit, il leva les yeux et vit quoi? Et tandis qu'il était en proie au tourment, donc ça lui faisait mal. Donc il était conscient, il pouvait sentir. C'est ça, frère? Il pouvait voir. Pas vrai, frère? Puis, on dit, il vit de même Abraham et Lazare dans son sein. Il avait conscience, il pouvait reconnaître que voici Abraham, voici Lazare. N'est-ce pas, frère? Il s'écria, Père Abraham. Mais j'avais posé une question. J'ai une des choses que je vais vous expliquer là maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez saisir, mais je vais quand même parler. Regardez. Si vous êtes habitué aux visions, remarquez bien la façon que le Seigneur est en train de dire ici. Au séjour des morts, il lève les yeux, il dit qu'il vit Abraham et Lazare. Il appelle Père Abraham. Personne ne lui donne l'information là-bas que voilà Abraham. Cette personne qui vit comme ça, Abraham est mort et recueilli à son peuple, auprès de son peuple, depuis comme on l'a vu là. Quand on l'a recueilli là-bas, il ne sait pas comment il a fait pour regarder, il a vu Abraham en activité là-bas avec Lazare. Donc Lazare est venu le trouver là-bas. Vous avez mon frère. Maintenant, je recommence encore. Quand vous êtes dans la vision, vous voyez quelqu'un dont la Bible parle, vous savez que voici la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. On a besoin d'écrire la ceinture sur les yeux comme ça. C'est pour ça que vous pouvez voir le Seigneur Jésus-Christ dans la vision. Vous savez que c'est lui. Sa présence, dans votre esprit, vous savez que voici le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ce qu'il dit? Dans ce groupe, par exemple, quand il a vu l'apôtre Paul, l'apôtre Paul passait, quand il m'a regardé, il a dit, il pouvait savoir que c'est voici l'apôtre Paul. On ne dit pas que, écoutez, toi, voici l'apôtre Paul, comme il te dit là maintenant, continue ce qu'il a. Non, il ne dit pas ces choses-là. Vous savez tout simplement que voici l'apôtre Paul, mon grand frère. Vous le savez tout simplement. Vous voyez cela, frère? Donc, continuons ici, c'est ce que je voulais dire. Donc, on dit que, étant dans le séjour de mort, il a trouvé Jésus. Étant en proie au tourment, il a vu Abraham et son. Et quoi? Lazare. Et la Bible déclare qu'il a créé que Père Abraham 1. Nous avons vu qu'il a levé les yeux. Il était. Donc, il voit. Il sentait les tourments. Donc, on dit qu'il peut ressentir, n'est-ce pas? Il a parlé. Père Abraham, il a reconnu. Et puis, il a appelé. Donc, il parle là-bas. C'est comme maintenant que chichi maintenant. Ce sont les élèves, maintenant tu vas donner les mises à pied. On avance ici. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, on a dit quelque chose avec. Il a dit, il sait déjà qu'il est dans les sales draps. Écoutez, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il ne souffre pas seulement cruellement dans cette flamme. Donc, il ressent la flamme qui le brûle. Et il sait que, il est conscient que ce qui peut atténuer la soif, les choses-là, c'est la soif. Donc, il connaît encore l'eau. N'est-ce pas, frère? Il dit que si on trempe, si on met un peu le bout de la langue dans l'eau, en mettant sur la langue, il va au moins faire. Il n'est même pas conscient que si on prend le bout de la langue, comme il a la chaleur, le temps d'arriver à voir, ça va s'évaporer. Il dit, il souffre cruellement dans cette flamme. Souvenez-vous, je vous ai dit quelque chose. C'est le Seigneur Jésus qui a raconté cette histoire. Remarquez que je n'ai pas dit la parabole. Ce n'est pas une parabole ici. Le Seigneur Jésus qui a raconté une histoire. Ce n'est pas une parabole. Vous êtes d'accord, frère? Amen. Même si vous ne êtes pas d'accord, ce n'est pas la parabole ici. Le Seigneur Jésus qui a raconté une histoire. Mais dans ma Bible, on a écrit là-bas, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Non, non, non, non, non. Dans les paraboles, on ne met pas les noms. Amen. Ça, il a les noms. C'est une histoire. Donc, c'est une histoire. Il est le créateur. C'est quelque chose qui s'est passé. Il raconte comme ça l'histoire des deux personnes sur la terre. Vous êtes là? Verset 25. Abraham répondit, mon enfant. Remarquez, Père Abraham, mon enfant. Ah, il va revenir sur ça lorsqu'on va parler de ce groupe-ci là. Souviens-toi, Abraham rafraîchit sa mémoire. Mes frères, la Bible déclare que le riche mourut et fut enseveli. Il a été enseveli, donc physiquement, il est couché quelque part. Mais on nous raconte l'histoire qui est en train de se dérouler au-delà de la tombe. Là, Abraham lui dit que souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Donc Abraham, dans le lieu où on recueille les peuples, est conscient de ce qui se passe sur la terre. Il connaît même ce que les uns et les autres font. Il voulait dire quelque chose dans ce domaine. Il dit depuis, je me regarde seulement, il ne dit pas. Pourquoi vous me mettez toujours comme votre frère? Il dit, souviens-toi. Donc Abraham a son record. Celui-ci vient d'arriver, l'homme d'arriver. Il ne passe pas le corps pour ouvrir ton livre pour savoir de quoi il est question. Quand vous venez, on sait qui vous êtes, qui était ton père, d'où tu viens, ce que tu as fait. Tout le monde sait ça là-bas. Quand tu dis, c'est grave, frère. Vous avez entendu, nulle créature, aucune créature n'est cachée devant celui devant qui on doit rendre compte. Là-bas, tout est mis à nu. Il n'y a pas que vous allez vous regretter la gourde là-bas au ciel comme ça là. Tu dis à quelqu'un, regarde-moi ton histoire, parce que quand tu avais fouetté là-bas au ciel, là-bas en bas, là, quand, le jour que tu fouettais les gens, t'as même tu criais quoi, tu veux crier trop. Tout le monde connaît l'histoire. Quand tu regardes quelqu'un, tu connais ce qui le concerne. On avance ici. Donc remarquez qu'Abraham a dit, mon enfant, souviens-toi. Donc Abraham connaît son histoire, il lui raconte même encore son histoire. Que souviens-toi que de ton vivant sur la terre, tu as eu des biens là-bas sur la terre, tu jouais de la vie. Lazare, pendant que Lazare souffrait, c'est-à-dire quoi? Nos actions ici sont contrôlées par le ciel. Ce que vous faites ici journalement, le record, comment dire, l'enregistrement est fait. Les caméras invisibles sont braquées sur vous. Les caméras invisibles sont braquées sur nous. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Donc, le sein d'Abraham, c'est le lieu de... Et toi, tu souffres. Le séjour de mort, c'est le lieu de... D'ailleurs, il lui explique maintenant le mystère. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Donc, il y a deux groupes, deux destinations. Un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Donc là-bas, si tu te trouves là-bas, ton fils se trouve de l'autre côté, même si tu voudrais passer pour aller sauver, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Vous avez vu? Passer d'ici et vers vous, ou de là vers nous, ne puisse mieux le faire. Le riche dit, écoutez très attentivement. Je t'ai pris. Vous avez vu ça, frère? J'étais pris donc, père Abraham. Il a compris que sa part était fini. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Que c'est fort. Et ici sur la terre, c'est fort parce que c'était une famille de riches. Ils pouvaient dire que Dieu les a bénis, ils sont dans la prospérité. Mais il se rendait compte là-bas que sa prospérité ne pourra rien faire pour lui. Alors il a envoyé l'intercession maintenant auprès de sa famille restant sur la terre. D'accord? Et je t'ai pris donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. C'est que j'ai cinq frères. Les gars vivent la même vie que j'ai vivais. C'est pour leur dire ces choses-là. Des frères qui ne viennent ici. Donc même le gars avait pitié au séjour de mort. Donc il a vu la crainte, le souffrant qui était au séjour de mort au point où il a dit, envoie le message à mes gens pour qu'ils ne vivent pas le style de vie que je vis. C'est ce qui est écrit, frère. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham va leur dire? Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, dans le but pour lequel Lazare va venir pour leur dire que, mes chers amis, tu t'appelles tel, il dit oui, tu t'appelles tel, il dit oui. Ou un autre frère, il est allé jouer à la vie quelque part, allez appeler un peu en boîte, il dit que, vous êtes les cinq frères de M. X, le monsieur le riche qui est mort l'autre jour, il dit oui. Il m'a envoyé vers vous, il a dit que Abraham envoie vers vous. Il dit, pour qu'il dit quoi? Il dit, ne vivez pas comme ça, il dit, ta tête ne tient pas. Tu sors d'où? Il dit, j'étais mort, il dit, tu t'as mis, viens à côté de toi. Vous souvenez? Lazare, quand Lazare était mort, Lazare de Judas, dans Jean chapitre 11, quand on est venu nous voir, on voulait encore aussi le tuer. Parce que la présence de Lazare l'est terrifié. Comme toi, tu meurs, on t'appelle, tu viens encore sur le vivant, fais quoi? On va même te tuer celui qui t'a ressuscité. Donc, tu viens, quand tu tiens là-bas, tu dis que c'est vous le Seigneur, dis oui. Que votre frère, il était celui de moi, il souffre beaucoup. Hein. Il t'amuse, on va t'envoyer là-bas, tu vas le retrouver là-bas. Si tu es pauvre, c'est pas toi qui étais couché devant la maison, c'est là, tu vas, oui. Et tu es mort, tu es revenu encore là, donc tu es résistant, hein. On va te tuer. Il dit que c'est pour qu'il les atteste ces choses. Donc en disant cela, je crois qu'il veut revenir sur ces choses aussi lorsque l'on va parler des visions de l'enfer et du paradis qu'on a aujourd'hui, qu'on nous sait aujourd'hui. On en a tellement. On en a tellement. Une femme vient se tenir, il dit qu'il a vu Jean-Paul II en enfer, que ce n'est pas parce qu'il adore les images ou parce qu'il fait qu'on vous avez Jean-Paul II aller parce qu'il avait de mauvaises vues partout. Donc on ne parle même pas de l'idolâtrie. Que Judas est au paradis. Que Judas Iscariot est au paradis. Jésus en personne dit que c'est pourquoi celui qui me livre entre vos mains a commis un grand péché. La Bible dit qu'il allait en son. La Bible dit qu'il est né fils de la perdition. Quelqu'un vient dire que le Jésus-Christ de la Bible lui a montré que Judas était au paradis. Dans ce cas, jeter la Bible. C'est qu'il n'y a plus rien à faire confiance à cette Bible. Même si la personne parle étant pieuse n'importe comment, faisant n'importe comment, il a ou elle a été séduite. Alors, si vous voulez dans les visions, on va vous en servir toutes sortes maintenant. Il dit, je vais y revenir lorsqu'on va parler de ces visions-ci. Discerner les visions modernes. La vision spirituelle de l'enfer des temps modernes. Quand on fait comme ça, on vend les livres. On oublie que le même Jésus avait dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il faut comme ça, il vend les livres, il vend les CD. Là, la voiture, après, il disparaît de la circulation. Parce que les chrétiens veulent ces choses, ils veulent entendre les choses nouvelles. C'est que vous êtes les saints frères de cet homme-ci. Vous attendez ces choses, qu'on vous atteste ces choses-là, on va vous attester. Mais la Bible dit, enfin, lisons ce qu'il dit ici, verset 20, verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les... Écoutez très attentivement. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de raconter cette histoire, nous ne sommes pas encore sous le Nouveau Testament. Parce que le langage qui est en train de dire là-bas dit clairement qu'il est dans le sein d'Abraham 1. Abraham lui répondit que sur la terre, à présent, il y a Moïse et les prophètes. Or, Moïse n'était plus là, n'est-ce pas, frère? Et les prophètes, il est en train de parler de quoi? Donc, ils ont les Écritures. Donc, il a dit que vous avez les Écritures sur... La Bible déclare que Dieu a mis en évidence l'immortalité par l'Évangile. Vous croyez en l'Évangile, vous avez la vie éternelle. Vous croyez en l'Évangile, la bonne nouvelle, vous avez la vie éternelle. Dieu a mis en évidence l'immortalité par l'Évangile. Le Seigneur Jésus dit donc que si vous croyez en moi, vous ne verrez jamais la mort. C'est ça, frère? Quiconque croit en moi ne verrait jamais la mort, quand bien même il mourra. Ah, Seigneur, si j'étais ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible déclare, verset 29, donc, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, dont l'ordre est donné sur la terre aux gens. Que faites attention, ce que vous allez écouter, vous devez écouter, pour ne pas arriver dans ce lieu, ce sont les Écritures et les prédicateurs. Ce sont les Écritures que vous devez écouter. L'Écriture est censée enseigner les gens sur la terre pour les empêcher à venir dans ce lieu-là. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.